Je suis dans le feu. quel futage, j'ai pour quel coucher. La haram t'a touché. La rue t'a couché, l'histoire couchée. Mange tes cours, ça avec tes couchés. Passe pas, et c'est pas ta mort qui va nous toucher. Nous sommes de fous chez nous, parce qu'on lui trace, on parle, le maire lâche. Arrachez tout ce qu'il y a dans la tête de ton frère qui gueule vengeance, vengeance. Les rues, elles m'ont privé, elles m'ont donné la haram en échange. Un sacré duel, pour être vendu du tuer. La haine sont nos sœurs jumelles. Nous, ils se roulent comme des tortues. On casse les bouches dans le vide d'enfure. Avant ce temps, tu ressors pas. Tu me désapes les soldats forts. Si tu restes pas fort, tu goûteras la putain de tortue. Je suis 3, ils sont 3, je suis 3, 7, 6, 33. Porte le froid. Et ne pleure pas, les frères, s'ils le partent. Ah, même avec un toit. Qui dessine leur part. Les gars sont des feux de noir quand tu dessines leur plein. Tous parano, elle est même parano, les chagas. La rue froide, la prouve. Flamme, le monde passe ici ou dans la rue. Califrate, la rue, c'était pour les nôtres. Ok. Califrate, fils du peton. Ok, je vais faire une petite présentation ce soir. 2003, c'est froid. 2003, c'est chez toi, c'est chez moi. Fils du peton, France froissée, 7633. Écoute ça, c'est pour les tiens. Les propres et matons, même si conscient jusqu'à la tombe. Un dame frère, prends le chemin qui te mène jusqu'à la tombe. Je veux pas dramatiser, mais mon appartement dramatisé. SES, je veux la mère fatiser. 2003, mais c'est le crise. La vie où je l'ai prise, mais j'y crois. Pleure pas, tu m'as pris mes chats, tu m'as. À la pétrière, intimement, les frères se perdent. 2003, futur d'être, regarde mec, y'a plus pour grand chose qu'on espère. Pour les qu'on existe en bout de chair, remplis de ma scène, ça me coûte cher. Merci, vous millénaires, un coup de chair. Tout va plus vite, se voit même plus vivre. Ces années des films, où on rêve, on se tape des films. Mais la réalité est brute. Quand t'arrives à quelque chose, mec, dans ta vie, te font des putes. À cette époque, en vrai, t'arrives à rien en faisant la pute. La triste vérité, ce monde des scrolls, on a tous hérité. Par millions, fils du béton, qui compte nous frères. J'en se levais maintenant. Dis-moi pourquoi on dort tous, juste leur puce. Juste les clefs, c'est leur puce. Juste leur puce, ça t'endort. 2003, c'est froid, ouais. 2003, c'est chez toi, chez moi. Fils du béton, France croissée. 7633. Alors, sécuritaire, tu m'as assuré. Mon père, pour quelle heure tu gères. Regarde, les CRS raccompagnent avec le sourire. Chaque fois, son rôle mène sa piqueur. Pour pouvoir finir sur le ring. Tu veux le percer dans le quartier, ça sera juste des trous de souris. 2003, président à la loi. Les juges cachent trop de vie dans l'Europe. Les pots de vin, les députés merdiers. Des mots perdus qu'on a juste trouvé un maître au placard. L'église à la hache, y'a que Dieu pour avoir tiède. J'ai plastiqué mon poste de télé. La vie, la mort, une pause des délais. Des douleurs frères, pour qu'ils tivent selon les couleurs. 2003, fils panorama. Fils me lance la haine, son roi ma. J'ai pas tout derrière moi qui dit j'ai droit dans les mois. Troisième bombe sous la pompe, qu'est-ce qu'on parle. Akaïda, Akaïda, combattant de sang, cru de sang. Nos vies ressemblent à rien. L'esprit a encore moins celle de semblable à rien. 2003, c'est l'histoire pour mon peuple, son cocher 2003. 2003, dernier croix du noir et frère, pourquoi j'y dois. 2003, des tests, la politique, la justice, glaise. 2003, française, française, fils du peloton de droit. 2003, c'est l'histoire pour mon peuple, son cocher 2003. 2003, dernier croix du noir et frère, pourquoi j'y dois. 2003, des tests, la politique, la justice, glaise. 2003, française, française, fils du peloton de droit. C'est un petit peu de ça. Ok frère, 7, 6, le Havre. Le Havre, Bordeaux, c'est pour un autre. T'inquiète. VNG, Venage, tous les quartiers, Bordeaux. On est là. Califrate. Ok, ce soir. Là, je dédicace ce morceau pour un ami à moi et un frère à la salle. Il devait être avec nous ce soir, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis venu te représenter pour lui ce soir. Moi, je suis fils du béton. Ok, fils du béton parce que c'est ce que je suis. La ville, béton, les frères qui se perdent. Nord, R, béton. Le soir, c'est pour le mien, c'est pour la salle. Ok, pour un sac, une veste noire. Tu brûles pour un sac. Veste noire. Tu brûles pour un sac, une veste noire. Fils du béton, si tu ne comptes plus. Fils du béton par million, vas-y, ne compte plus. J'en ai plus, t'en restes à pris par que les dépuis, parce que je suis né aveugle. Marche à pas vivre vers la tombe, le soleil aujourd'hui est déjà sombre. On est mon chant aussi ma croix. Entre vice et vertu, je vertue, gère ma colère. D'arnette, y'a plus trop grand chance tolère. A tout ça, des poteaux glissants, traînons ma vie depuis 10 ans. Contre la foule ordinaire, fréquente du lac. Si les nerfs se relâchent, il reste à voir les tâches. 2003, génération malheureuse, donne ta vie pour de la matière. Des erreurs de pain, oh là là, mon bâtard, contrôle en chacal. Y'a un dealer derrière chacal, derrière chacal. Et si les frères ne savent plus que j'étais des pères, comme dit Gunther, en bas des tours, les hommes parlent plus d'un mois. Des idéaux qu'on n'a pas vu revenir, cette époque est une cata. Je suis en 20 ans, toujours voir rien d'autre jour. On sait rien, vous changez l'avenir. La haine dont nous a venu, à vrai dire la paix, toujours plus ou moins la bienvenue. Un horizon de mur et barrière et pas de carrière. Pétons un carrière, ma reine souris, nous t'as vu, on est victime. Là, tu parles en mon nom, je connais le time. Je paye un petit qu'on est jamais que ça. La poisse m'a dit, attends, je te fouille d'un par ça. Aujourd'hui, un texte, un tour de dessin. Hier encore, je voulais lire dans ma tête, j'ai rien compris, je me suis fait dessin. Occident, par parole, politique, art de part, Paris, voir où je traite la planète entière comme ça, il est vert, vert. Nos imports, des vestes noires. Veste noire. Ok, frère. Ce soir, mon âme porte une veste noire. Veste noire. N'importe, veste noire. L'espoir, un futur noble, ici l'Europe. Mais merde, dis-moi quelle justice dans l'Europe qui fait dans l'histoire. Entre art, activisme, réalité n'est plus qu'un nice. Moi, je n'utilise du mécanisme, identité décalée. On a mécaillé, poids, sky, plein de gaz dans les branchies. Orange, tu m'as mis d'arabique blanchi. Elle apporte mon bâclé, ma vie bâclée. Ma clé pote et la bête, tu les as attelés. J'ai appuyé ma création, mon stylo sur ses gardes après l'assaut. Mon dépeuple, les démons, mon déo, c'est moi qui fasse après l'assaut. Mon dessous est payé cher, nos vies comme des trains nuit. Obligé de voyager à l'aise, souvent nous-mêmes en train de nuire. Ma cadane chante mine, une vérité, la haine dans le cœur, mes ennemis. J'ai vu la même dans ceux de mes amis, ça ira mieux demain. Ah oui, yeah. Je l'ai entendu tous les soirs de ma vie, mes manières de vivre. Et nous, on n'a pas la bonne, façon personne peut s'échapper vraiment. Que j'y des canards des seigneurs, que ceux qui nous ont pris une scène, comme mes origines sur les quêtes scènes. Ça date pas d'hier, tu sais, Marianne et toute la merde qui sème. Et je meurs, les événements donnent raison. Régulièrement, coupe tes rêves comme tes ondes, coupe ta propre corps pour pendaison. J'éteins tous des jours, se reçu nos yeux. Et se marque en sang des notes coule sous nos yeux. La France avait trop chié sur nos yeux. Nos apports des vestes noires. S-E-S. Ouais, tu fais du bruit. Si tu fais ton S-E-S. Moi, je vais la maniquer ce soir, c'est pas grave, on va la faire avec.